À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le cercle de la jeunesse du comité d'études du kimilsonisme-kimjonglisme du Mexique est constitué le 15 courant. Il a discuté des problèmes pour l'étude et la propagation du kimilsonisme-kimjonglisme.